18 mai 2025, bienvenue à la 18e Guinée. Monsieur le ministre, monsieur le président de la communauté d'agglomération, monsieur le maire, madame Mireille Agresse-Hereda, première adjointe, vice-présidente du conseil départemental, madame Anne Leland, adjointe au sport, mesdames et messieurs les élus, cher Vincent, président de l'USPCO, mesdames et messieurs les fidèles et amoureux de la Guinée. Mon propos a été inspiré par cette phrase que j'emprunte à notre coach Fabien. N'oublions jamais qui nous sommes, ni d'où l'on vient, à laquelle j'ajouterai ni pourquoi nous sommes là. Nous sommes le club des sans-cravates de l'USVCO, association qui regroupe les dirigeants d'entreprises partenaires du club de foot boulonnais. C'est la condition sine qua non pour y adhérer, en plus des valeurs qui sont inscrites à notre fronton, confiance, enthousiasme, fierté, respect de l'autre et de l'engagement. Nous sommes là ce week-end, comme depuis 18 ans, au service des autres. Bien sûr, le club des sans-cravates est le chef d'orchestre, mais nous ne sommes pas des magiciens. Comment pourrions-nous produire un plat à base de légumes frais épluchés hier, de poissons de la pêche locale et raisonnés avec un verre de vin blanc pour 6 euros, sans un soutien plus large? Et en plus, faire des bénéfices qui sont redistribués aux associations du territoire. 16 500 euros en 2024, ce qui porte le cumul en 18 ans à 130 500 euros. C'est pourquoi je voudrais remercier toutes les entreprises des membres du club des sans-cravates qui nous accompagnent, le syndicat des marailleurs et ses adhérents qui nous fournissent le poisson, Auchan et Métro pour les légumes. Il y a aussi une multitude d'entreprises de la Côte d'Opale qui s'associent à notre action. Leurs noms et images défilent sur l'écran derrière moi, dans les chapiteaux et un peu partout sur la place de la Guinée. Accordez-leur votre confiance, elles adhèrent entièrement aux valeurs évoquées. Je ne peux pas oublier la ville de Boulogne et l'ensemble des services au premier rang desquels le service grands événements, sans qui rien de tout cela ne serait possible. J'adresse également un vif et sincère remerciement à tous les bénévoles qui nous accompagnent et qui ont choisi de consacrer un week-end au profit des autres. Mon dernier remerciement s'adresse à vous, public, fidèles et amoureux de la Guinée. Nous avons mis les petits plats dans les grands. Il vous appartient de les vider pour faire de cette 18e Guinée la réussite qu'elle mérite. Tout ce que vous consommez se transformera en bénéfices redistribués. La Guinée est une réussite collective, soyons-en tous fiers. Nous sommes chevillés à l'USBCO, notre raison d'exister. Aussi, je voudrais remercier le staff de l'équipe première en pleine préparation des matchs de barrage qui va nous rejoindre dans quelques instants. Fabien Dagneau, le coach, le meneur d'hommes. Anthony Lecointe, alias Timous, le stratège. Hugo Stevenard, spécialiste des gardiens et des coups de pied arrêtés. Antoine Dequet, préparateur physique et nutritionnel, qui nous distille un conseil avant dimanche, ne pas manger de wrap avant de prendre la bière. Derrière eux, il y a bien des femmes et des hommes qui, chacun dans leur registre, contribuent à la réussite. Vincent est mieux placé pour vous expliquer tout cela dans un instant. Bravo à tous et merci pour ces moments vécus grâce à vous et qui resteront dans l'histoire du club et nos mémoires. Cette réussite est une nouvelle fois collective. Je voudrais maintenant ici faire quelque chose qui, je crois, n'a jamais été fait. Lorsqu'une réussite est collective, c'est aussi parce qu'il y a des individualités fortes pour tirer, pousser le collectif vers la réussite tout en restant au second plan. Je voudrais que nous mettions tous à l'honneur deux personnes qui sont au club depuis la création. Ils ont été de toutes les Guinées et en sont des éléments moteurs et essentiels. En fin d'activité officielle, depuis quelques mois ou prochainement, ils ont choisi que cette 18e Guinée serait leur dernière. Y résisteront-ils après avoir tant donné ? La première personne, Christophe Perrin. Il est où, Christophe ? Il est là, Christophe, il est là. Directeur des achats à Nautica. Dans l'ombre, au sein du club, à longueur d'année et depuis 18 ans, il s'occupe de toute la logistique, de l'approvisionnement et de tant de choses. Voilà, il va nous manquer, mais je suis sûr que la Guinée va lui manquer aussi. Et tu es toujours le bienvenu, évidemment. Et si tu veux replonger, pas de problème. La deuxième personne, je crois que vous la connaissez tous parce que, évidemment, Daniel Corroyer, charcutier et traiteur dans la Grand Rue. Alors bien sûr, il a transmis son entreprise à son fils Alexandre, et il est aussi en charge de transmettre la réussite de la Guinée. Daniel a tout connu de la Guinée et de la création du club également. Il était là à ses premiers instants. C'est lui qui a contribué à la réalisation de la marmite, parce que ce n'est pas une cocotte minute qu'on met sur ces plaques de cuisson. Et croyez-moi, relever un challenge comme celui-là il y a 18 ans, il fallait en vouloir. Merci Daniel. Mesdames et messieurs, profitez de cette 18e Guinée comme il se doit. Et soyez fiers de contribuer à faire des heureux. Merci Pascal. Celui que j'accueille à chaque match sur le podium. Applaudissements pour Vincent Boutillier, le président de l'USBCE, s'il vous plaît. Vincent, Pascal disait il y a quelques instants, les sans-cravates liés à l'USBCO, l'USBCO lié aux sans-cravates. Ouais, les deux ne font qu'un. Merci encore Pascal, merci à tous pour tout ce que vous faites. En fait, vous nous représentez très bien puisque le but, l'objectif des sans-cravates, c'est de représenter le club via des activités humanitaires, sociales, sociétales. Et c'est le projet du club. Le projet du club, c'est bien évidemment d'être dynamique au niveau sportif, de représenter les couleurs rouge et noir le plus haut possible au niveau du football. Ça, c'est sûr, et on le montre ces derniers temps. Je pense qu'on est à la hauteur de l'objectif. Et également avoir un rôle au sein de territoire, au sein du Boulonnais. Et ce rôle, on le veut vraiment au niveau du social. Toutes nos actions, on les mène sur l'insertion et l'inclusion sociale. Il ne faut pas oublier que le club de foot, c'est bien autre chose que du football. On forme près de 450 jeunes par an. On diplôme près d'une centaine de jeunes également au métier du sport, du marketing, du commerce, la gestion des entités. Et ça, c'est une vraie fierté parce qu'on apporte, on ose espérer d'apporter autre chose qu'un plaisir le vendredi soir. Voilà, et puis on mène également d'autres actions. On a des actions dans les quartiers, on mène des actions auprès des jeunes en difficulté et également auprès des personnes malades. Et pour nous, c'est ce qui nous anime en tout cas, c'est autre chose que du sportif. Hein, c'est vraiment ce lien qu'on a avec les Boulonnais. Donc merci en tout cas à vous, merci aux sans-cravates et merci à la ville de Boulogne qui nous soutient tout le temps. Merci beaucoup Vincent, merci. Juste un petit mot pour parler foot. Fabien disait vendredi, il y a 3 finales, il en reste 2. Ouais, alors j'aime pas du tout ce mot final parce qu'à chaque fois qu'on l'a utilisé, ça s'est pas très bien passé ces derniers temps. En fait, c'est ça, c'est au-delà de ça, c'est de clôturer un cycle. Je pense que c'est un cycle de 3 ans. Un peu exceptionnel. La Guinée nous a toujours porté bonheur, parce qu'à chaque fois, on a fêté des choses ici à la Guinée. Là, on a une semaine de retard pour le fêter, mais en tout cas, tout le monde est mobilisé. Moi, je peux te dire que j'ai vu les joueurs hier dans le vestiaire, j'ai été impressionné par l'état d'esprit des joueurs, parce qu'évidemment, on a le droit d'être déçu, puisqu'on on espérait autre chose vendredi, il ne faut pas se cacher. Hein. On avait envie de valider le ticket en Ligue 2 dès vendredi dernier. On savait qu'on avait une option complémentaire qui était les barrages. Ces barrages sont là. On est fiers de les jouer. Et moi, en tout cas, j'ai vu des joueurs à 200% hier dans les vestiaires. Donc, on a été hyper rassurés. Et puis, on peut compter sur notre équipe à 100%. C'est la bonne nouvelle. C'est qu'on a toujours eu des blessés au sein de l'équipe. Là, aujourd'hui, on n'a plus de blessés. On est à 100%. On est très motivés, le staff, les dirigeants et les joueurs. Et ce que je disais vendredi à la fin du match, c'est que je suis persuadé qu'on va le faire et qu'on pourra fêter l'accession en Ligue 2 dimanche prochain. Merci beaucoup Vincent, un stade de la Libé qui sera plein, j'en suis sûr, mardi soir. On est déjà guichet fermé. Déjà guichet fermé. Merci beaucoup Vincent, monsieur le maire. son écharpe. Merci. Ben, écoutez, je suis très heureux, bien évidemment, de saluer, cher Pascal, monsieur le président, cher Vincent, monsieur le président, au travers vous, saluer tous les bénévoles qui se mobilisent. Et je dirais à ceux qui n'ont pas la chance d'être boulonnais, mais qui ont le bon goût de venir nous visiter, à Boulogne, c'est ça. Vous avez le monde économique, vous avez le monde associatif, sportif, vous avez tous les professionnels, vous avez la population qui se mobilise, qui le fait avec des valeurs, qui soutient le stade, le club, qui est emblématique, qui est historique, qui est populaire, et qui le fait dans la générosité du partage, pour des belles causes. Et ça, c'est Boulogne, c'est ça Boulogne. Et donc, très heureux de vous saluer sur cette place de la Guénée, dire aussi, au travers cette prise de parole, au maire du Mans, que la rillette ne sera pas seule, et que la Guénée sera dans ce combat-là. Parce qu'il y a ce que nous appelons le Mans, eh bien, nous aurons cette revanche, je l'espère, dans les tout prochains jours, pour aller faire nos 24 heures à nous. Mais eux, ils connaissent les 24 heures du Mans. Nous, ils ne connaissent pas les 24 heures de Boulogne, parce que ça dure 365 jours. Voilà. Et donc, vous allez voir, j'espère de tout cœur, que l'équipe va pouvoir être récompensée. Vous savez, pour ceux qui ne sont pas tout à fait... férue de foot. L'équipe est promue. Elle a réussi la saison précédente encore, un rattrapage incroyable. Le maintien est promu. Et là, joue la possibilité d'être en Ligue 2, c'est-à-dire l'élite. Alors, de tout notre cœur, de toute notre mobilisation, nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, au stade de la Libération, mais aussi place d'Alton, car nous allons remettre l'écran géant où des milliers de Boulonnais ont pu acclamer, supporter les belles valeurs, les valeurs que nous retrouvons ici grâce au sans-cravate, les valeurs que nous retrouvons dans notre ville, les valeurs et les couleurs qui sont véhiculées par notre mythique club de l'USBCO. Bonne Guinée à toutes et tous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, écran géant, place d'Alton. Je confirme, effectivement, un maximum de bruit. Pascal, il est l'heure de chanter. C'est là que tout le monde recule. Attention, il y a un rebord derrière, n'allez pas tomber. Ah, c'est Daniel. Ah, Daniel, attends. Non, attends. Hey, c'est le bleu, blanc, rouge, c'est toi. La médaille, c'est toi. C'est quoi le thème, Daniel? Bon, vous êtes prêts? C'est autour d'un plat sacré qu'on est tous rassemblés. On est là pour vous la faire goûter, c'est la Guénée. Les anciens l'ont raconté et nous on l'a cuisiné. Avec un peu d'anxiété, on y est bien arrivé. Les marins sont tous rentrés du large, avec la recette dans leur bagage. Allez! Tout sur la Guénée, du pichon frais, des arrêtés, du sel, du poivre, des légumes frais. Et quand tu rentrais de la marée, tu n'as plus qu'à la déguster. Tout, vous direz tout sur la Guénée. On s'est dit c'est un pari et on va le gagner. Les sans-cravate ont tout préparé pour la Guénée. Les légumes à éplucher, on en a bavé. Mais pour lever les filets, là on s'est fait aider. Les boulonnais sont pas toujours sages, mais la Guénée, nous on la partage. Tous ensemble. Tout, vous dirai tout sur la Guénée. Du pichon fait des arrêtés, du sel, du poivre, des légumes. Et quand tu rentres de la marée, tu n'as plus qu'à la déguster. Tout, vous dirai tout sur la Guénée. Bravo. Bravo, merci pour cette inauguration. C'est cuit, hein. Ah, c'est cuit, c'est prêt. Bon, on peut faire la queue. Les tickets sont en vente au tarif de 6 euros dans les différents bars sur le quai. Ça se passe tout au début dans l'immense marmite. Et ça y est, c'est prêt. Vous pouvez déguster, passer toutes et tous un excellent dimanche. pour cette 18e Guinée du Club des Sans-Corail. Alors vous pouvez également, si vous installez sous les chapiteaux, il y a des jeunes qui vont tourner dans les chapiteaux, vous leur donnez vos tickets, ils iront vous chercher vos plats de Guinée, donc n'hésitez pas, restez assis sous les chapiteaux avec tous les jeunes. Polo rouge, les jeunes en polo rouge, vous donnez vos tickets.